Je grave les images de souvenirs lointains, beauté de paysages enflamme mon destin. Les airs d'autrefois déclinaient les saisons, aux innombrables voix ont écrit ma chanson. De paysages.